bien compté, mal calculé. Ça va pas d'exemple sur ça. Pour yon fille qui voulait marier, sans richesse ou bocola. Bien compté, mal calculé. Ça va pas d'exemple sur ça. Pour yon fille qui voulait marier, sans richesse ou bocola. L'on propose, mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en haut. Posez sans vous dire mon monde. Mariage pas revient tout le monde. L'on propose, mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en haut. Posez sans vous dire mon monde. Mariage pas revient tout le monde. Bonne poisson pour sa mariée. Les richesses la va arriver. N'a va fait un bel mariage. Oui chérie, n'a pas marié. Bonne poisson pour sa mariée. Les richesses la va arriver. N'a va fait un bel mariage. L'on propose, mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en haut. Posez sans vous dire mon monde. Mariage pas revient tout le monde. L'on propose, mais Dieu dispose. Laisse à la vie à tout en haut. Posez sans vous dire mon monde. Mariage pas revient tout le monde. Mais maman, qu'on aimerait mes wampis. Mariage pas revient tout le monde. M'attend tout même, à faire de reportage seulement. Mariage pas revient tout le monde. Parfois, mariage civil a des réverbales. Mariage pas revient tout le monde. A fait reportage seulement. Mariage pas revient tout le Mariage civil, enterré la balle. Mariage pas revient.